Lascar de luxe. Ce soir, les lames restent dans les poches. Mais pas question de bouger sans mes bottes. Histoire de rentrer propre sur tâche de sang. Les bourges et les dealers foutent mon soin à fond dans le câble. Les meufs sont canons et mon bâton les brasse dans le calme. Tourne la page, oublie tes soucis. Fais griller les saucisses sur le barbac pendant que je fais sauter le soutif de madame. Fini de jouer les sous-fifres. Mat, mon secteur a tréma. Mes gars font de graves dégâts sur les ondes. Dans ce monde, on n'a pas d'égal. Le mouvement couchal, on est tous chad. L'ambiance est high. Les petits minets ont dans l'os. Les midinettes ambiance les cailles et ça chauffe. Les fachos sont loin. Les machos sont bien servis. Les jeunes filles à l'esprit pervers qui veulent jouer aux jeux interdits. Cette chaîne de vie te stresse. Futuristique peut-être le max en faire de victime. Même si les lyrics te blessent. Énergie positive pour ton système auditif. Rap homicide mais c'est pas la violence qu'on prône ici. Lascar de luxe, lyrics 4 étoiles. S'il faut faire bouger les têtes, mon groupe n'a pas d'égal. Futuristique pour Atréma. Tu connais le style, quel que soit ta race. Si t'as le bon esprit, bienvenue dans la place. Lascar de luxe, lyrics 4 étoiles. S'il faut faire bouger les têtes, mon groupe n'a pas d'égal. Futuristique pour Atréma. Tu connais le style, quel que soit ta race. Si t'as le bon esprit, bienvenue dans la place. Un peu de quelle façon met l'ambiance. Rigole du hip hop, mais c'est dans ma soirée que t'as coupé une fricote. Heureusement qu'il y a le frigo pour s'aérer. Les femmes gigotent et quand y'a du zouk, on s'y frotte comme ça, vrai vrai. Ouais, une vraie soirée sans coup de feu pour ceux qui aiment la musique. Vivre sans haine et oublier l'art du vice. Vivre sans chaîne, maintenant y'a plus de soirée chic sans chienne. Mais plus d'embrouilles dans la salle et d'enfoirés qui t'engraignent. Je sollicite les miens, faut qu'on solidifie les liens qui nous unissent. Mais on tape tous du vice, on s'embrouille pour l'amour du risque. Faut qu'un jour tu puisses le dire au champ métaclique. Soir on range les matiques, on décide de changer de tactique. Tu veux représenter ta ville, fais-le en douceur. Je sais que je suis en lieu sûr dans ma banlieue sud à toute heure. J'suis baroudeur, patrouilleur, pas un trouillard ni un embrouilleur. Débrouillard, paix à mes rouillards de toutes les couleurs. Lascar de luxe, lyrics 4 étoiles. S'il faut faire bouger les têtes, mon groupe n'a pas d'égal. Futuristique pour Atréma. Tu connais le style, quel que soit ta race. Si t'as le bon esprit, bienvenue dans la place. Lascar de luxe, lyrics 4 étoiles. S'il faut faire bouger les têtes, mon groupe n'a pas d'égal. Futuristique pour Atréma. Tu connais le style, quel que soit ta race. Si t'as le bon esprit, bienvenue dans la place. On est positif dans le message et parle d'unité au public. Les plus petits clament orange mécanique quand nous on range les calibres. Ils veulent mener la belle vie. Tu connais le trip, on commet le pire pour l'avoir. Sans savoir ce que c'est que la joie de vivre. Mais pose ton gun et bouge ton cul sur le son. Les meufs du move sont dupes. Tu peux serrer sur un bon tube. Je les relève. Je me fous des tenues correctes exigées. Y'a que des sauces et pas de filles honnêtes à des kilomètres. Qui osent mettre en doute la puissance musicale. Quand Chrono et Nubis ça ne pose un rap de paix sans fusillade. On censure l'image de la violence pour ce soir. Pour que ce soit amour et unité. Dans les rues, dans toutes les cités. C'est Lubi Boy, le gars est Lubi Boy de l'année. Celui qui ne cesse de planer que lorsque toute la zèbe est cramée. Dis aux meufs de cesser de crâner. Laissez passer les vrais ladies. Les requins se battent pour des tons que les vrais méprisent. Pas tant à perdre. Vu que j'attends l'affaire du siècle, y'a de l'argent à faire. Tu sais que mon album c'est l'affaire du secteur. Sauce Renoir, frère, sœur, allume les projecteurs. Les jeunes projettent leur vision dans le futur pour que tu connaisses l'heure. Paix, amour et unité comme nos prédécesseurs. Une note de fraîcheur, le hip-hop mon antidépresseur. Un art de vie. Un salut quand t'en as marre de vivre. Un moyen de parvenir à te guider dans l'obscurité comme d'art de vie. Lascar de luxe, lyrics 4 étoiles. S'il faut faire bouger les têtes, mon groupe n'a pas d'égal. Futuristique pour Atréma. Tu connais le style, quel que soit ta race. Si t'as le bon esprit, bienvenue dans la place. Lascar de luxe, lyrics 4 étoiles. S'il faut faire bouger les têtes, mon groupe n'a pas d'égal. Futuristique pour Atréma. Tu connais le style, quel que soit ta race. Si t'as le bon esprit, bienvenue dans la place. Lascar de luxe, lyrics 4 étoiles. S'il faut faire bouger les têtes, mon groupe n'a pas d'égal. Futuristique pour Atréma. Tu connais le style, quel que soit ta race. Si t'as le bon esprit, bienvenue dans la place. Lascar de luxe, lyrics 4 étoiles. S'il faut faire bouger les têtes, mon groupe n'a pas d'égal. Futuristique pour Atréma. Tu connais le style, quel que soit ta race. Si t'as le bon esprit, bienvenue dans la place.